بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متشاف خيسا. Aujourd'hui, le samedi 9 Ramadan de l'année 1441, 9 Ramadan, ici à Médine. De l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 2 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre étude de la biographie de notre noble et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. L'imam Ibn Kathir, qui est décédé dans le 8e siècle, plus précisément l'an 774 de l'Hégire, rahimahullah, un grand imam parmi les imams de la Sunna, et il est très très connu avec son tafsir, un des meilleurs tafsirs qui ont été faits après le tafsir de l'imam de tous les mufassirines, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala. Donc, dans le cours précédent, nous avons parlé de ce grand événement important dans l'islam, qui est al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne de la maison du prophète alayhi salatu wassalam à Mecca, à côté de Kaaba, vers la Palestine, la mosquée de l'Aqsa, et de là-bas l'ascension vers les sept cieux et jusqu'à arriver à cet endroit dans lequel il y a cet arbre qui s'appelle Sidratul Muntaha, ce lotus qui est cité dans le Coran, qui s'appelle Sidratul Muntaha. Et on a vu un point important, très très important, un point méthodologique qui concerne cette grande question: est-ce que les compagnons radiallahu anhum ont divergé dans l'aqida? Ou pour enrichir encore plus le point, on va dire, est-ce que les compagnons radiallahu anhum ont divergé? Est-ce que les compagnons radiallahu anhum ont divergé? La réponse, c'est que les compagnons radiallahu anhum ont divergé dans des questions de l'fiqh, de la jurisprudence. Naam, cette divergence a eu lieu. Et cette divergence ne les a pas divisés et n'a pas fait de l'un un ennemi pour l'autre, car c'était une divergence autorisée et c'était une divergence qui avait des raisons valables. Et ça, bi'idnillah, quand on va commencer Madarij al-Salikin, on va parler plus en détail des raisons qui font que les hommes de science parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a puissent diverger au sujet d'une mas'ala dans le fiqh ou autre. Et ces raisons, ces causes se résument à 10. Il y a des savants qui les résument encore à 5. Et il y en a qui citent uniquement 3 raisons et tout le reste en découle. En tout cas, sahaba radiallahu anhum ont divergé dans des questions de le fiqh. Et quand l'imam Malik rahimahullah a été interrogé à ce sujet, est-ce que, ils lui ont dit que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont divergé dans le fiqh, bien évidemment, il a dit: laysa kulluhum musib, al-haq wahid. Il a dit que dans une divergence dans le fiqh, ou bien, car la divergence elle est de deux catégories, ikhtilafu tanawwu', واختلاف تضاد une divergence يعني de variété dans laquelle les deux avis ne s'opposent pas l'un à l'autre. Par exemple, celui, il dit, il cite une formule qui est rapportée authentiquement de Nabi alayhi sallam dans Tashahud, et l'autre, il cite une autre formule qui est rapportée également authentiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle Khtilaf al-Tanawwu'. Et c'est pas de celui-là que les savants parlent quand ils parlent de la divergence. Ils parlent de Khtilaf al-Tadad. C'est-à-dire que il y a un, par exemple, qui dit que ça c'est halal, et l'autre il dit haram. Il y a un qui dit que c'est autorisé, l'autre il dit que c'est pas autorisé. C'est cette catégorie de divergence de laquelle on parle. Et dans cette catégorie, il faut savoir que la vérité est unique. Et il n'y a qu'un seul qui a raison et qui est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dans sa législation. Mais quand c'est un homme qui est un homme de science qui est habilité à faire l'ijtihad, à faire un effort d'interprétation et de déduction à partir des sources de l'islam, dans ce cas-là, même s'il n'a pas la vie juste, il sera récompensé une fois. Et pour ceux qui viendront après, ils n'ont pas le droit de le suivre quand ils voient que son avis n'est pas l'avis juste. Et il doit suivre le haqq et ne pas faire preuve de ta'assub, de fanatisme pour un savant, quel que soit son rang dans la science. Mais en arrivant à ce qu'on a évoqué la dernière fois, est-ce que les compagnons ont divergé dans l'aqida? La réponse des savants, non. Les compagnons n'ont jamais divergé dans une seule question de l'aqida. Et Salaf Saleh également, sur leurs traces, ils n'ont pas de divergence dans les questions de l'aqida. Mais la divergence qui peut avoir lieu, c'est dans des questions qui ne représentent pas des fondements de l'aqida, mais qui sont liées à des fondements de l'aqida. Ils sont unanimement d'accord sur la vision d'Allah dans l'au-delà. Mais est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah dans le voyage nocturne, dans son ascension? Est-ce qu'il l'a vu? La vie juste, même par rapport à ce point, c'est qu'entre les compagnons, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence et tous, leur avis, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas vu avec ses yeux. Et ceux qui disent qu'il l'a vu, ils veulent dire comme ils l'ont dit explicitement. On a vu Abdullah ibn Abbas dans l'authentique de l'imam muslim. Il a dit il l'a vu avec son cœur. Qu'est-ce que ça signifie, il l'a vu avec son cœur? C'est ce que les savants appellent la vision scientifique. Al-ru'yatul ilmiya. Ru'yatul azamatillahi azza wa jal. من خلال مخلوقاته وآياته العظيمة. C'est la vision scientifique. يعني c'est de voir Allah عز وجل, de voir sa grandeur et sa majesté et son immensité et sa pureté, de voir ça à travers ses signes lisibles, le Coran, et ses signes visibles, sa création, subhanahu wa ta'ala. Mais dans d'autres points, il peut y avoir une divergence dans des questions qui sont en lien avec des points de l'aqida, tels que le châtiment de la tombe. Ça, c'est un fondement de l'aqida. Et ceux qui avaient suivi avec nous les fondements de la sunna de l'imam Ahmad a évoqué ce fondement. عذاب القبر ونعيمه, les supplices et les délices de la tombe. Donc ça, c'est un fondement sur lequel il y a unanimité. Et quand c'est des fondements, la divergence n'est pas autorisée. Et celui qui prend un avis différent à celui de Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce fondement de l'aqida, on lui montre le haqq. Il revient, sinon il fait partie des innovateurs et des gens de l'innovation. Et aucune divergence n'est tolérée. Donc ça, c'est très très important à connaître afin de ne pas être touché par des shubuhat de certains hizbiyin et de certains mubtadi'a qui cherchent à démontrer que les compagnons ont divergé dans les questions de l'aqidah. En réalité, ils font toute cette argumentation pour te dire pourquoi tu viens me blâmer si moi je fais le khuruj avec Jama'at Tabligh. Pourquoi tu viens me blâmer si moi j'adhère à un parti politique tel que celui de l'Ikhwan? Pourquoi tu me blâmes si je rentre dans une secte Sofia? Et ainsi de suite. Il ne veut pas que tu le blâmes. Il dit la divergence est une miséricorde. Et ça c'est un hadith menti sur le prophète alayhi salam. Et il s'oppose à un verset explicite dans le Coran, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et ils ne cessent d'être en divergence excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Et sunna ça unit et le bid'a ça divise. Mais dans les questions de l'fiqh, il y a la divergence, et quand c'est une divergence qui est fondée et qui est autorisée chez al-sunna wal-jama'a, faut savoir qu'on n'a pas le droit de blâmer celui qui prend un avis contraire à nous. On n'a pas le droit de blâmer celui qui prend un avis contraire à nous. Si quelqu'un, par exemple, je vous cite un exemple concret, quelqu'un prend l'avis que la vidéo est autorisée. Et dans ça, bien évidemment, ce n'est pas lui qui a inventé cet avis. Il a suivi les savants de la sunna qui ont cet avis. Et après, c'est entre lui et Allah. Est-ce qu'il les a suivis parce que ça, c'est l'avis qui l'arrange, c'est l'avis qui lui dit, que lui dicte sa passion? Ça, c'est entre lui et Allah. Normalement, il doit suivre les savants pour, en voulant la vérité. Et non pas en cherchant l'avis de la facilité ou l'avis arrangeant. Et moi, j'ai pris l'avis que la vidéo est interdite. Elle est exactement comme la photo. Faut savoir que par rapport à ce point, je parle bien évidemment de la vidéo et non pas de la photo. La vidéo, c'est un point sur lequel les savants ont divergé. Il y en a qui l'autorisent, il y en a qui l'interdisent, et il y en a qui l'autorisent avec des conditions. Donc t'as pas le droit de blâmer un frère qui a pris l'avis de l'autorisation, même si toi t'as pris l'avis de l'interdiction. Mais tout ce qu'il peut y avoir entre toi et lui, c'est de se conseiller et d'essayer de le convaincre avec les arguments, avec la science, que l'avis qu'il a choisi, c'est pas l'avis le plus fort dans le mas'ala. Et si jamais il reste sur sa position, ça ne doit pas diminuer l'amour qu'il y a entre toi et lui. Et ça, c'est important. C'est important car ça fait partie de la notion de l'wala ou al-bara. L'alliance, c'est le désaveu. Il peut y avoir des gens, à cause de l'ignorance, qui font l'wala ou al-bara sur des points sur lesquels il n'y a pas de wala et bara, sur lesquels il y a uniquement nasiha, et pas de wala et bara. L'wala ou al-bara, c'est sur les questions de l'aqidah, sur les questions de l'manhaj, sur les questions également de l'fiqh, dans lequel il y a unanimité des savants, unanimité des compagnons radiyallahu anhum, ou unanimité des savants après eux, dans lesquels la divergence n'est pas tolérée. Mais dans les points dans lesquels la divergence est tolérée, il n'y a pas de wala et de bara, comme il n'y a pas de inkar, de blâme et de dénigrement. Il y a uniquement an-nasiha. Donc on revient à notre sujet. On a parlé de l'Isra wal-Mi'raj et après ce voyage nocturne et cette ascension qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son noble prophète pour plusieurs sagesses. Et parmi les sagesses qu'on a vues, c'est pour l'apaiser et le réconforter après tout ce qu'il a vécu avec les siens, et en particulier le dernier événement qui était lors de sa visite de Taif et tout le mal qu'ils lui ont fait là-bas. Après ce voyage, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours, bien évidemment, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une règle, Al-Da'wa ne s'arrête jamais. Quoi qu'il arrive, ils lui font du mal, ils l'expulsent, ils le frappent, ils l'insultent, Al-Da'wa continue. Et rien ne stoppe Al-Da'wa de Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi sa da'wa, cette fois en essayant de trouver des tribus arabes qui peuvent le soutenir, ou bien ils acceptent de lui l'islam, ou au moins ils lui assurent une protection. Ils lui assurent une protection. Et cet acte de sa part, alayhi salatu wassalam, comme a dit le Hafid ibn Hajar, l'acte de se proposer aux tribus arabes, c'était fait avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'a cité le Hafid ibn Hajar dans le Fath al-Bari. Et ça a été rapporté par le Hakim et Abu Nu'aym et le Bayhaqi avec une bonne chaîne de transmission. Et parmi les tribus arabes à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wa, c'est la tribu des Banu Amir ibn Sa'sa'a. La tribu des Banu Amir ibn Sa'sa'a. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé l'islam et leur a fait da'wa, un homme parmi eux qui s'appelle Bayhazat ibn Firas, il a dit à sa tribu, ce jeune, il parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce Quraishite, si on l'accueille chez nous, on va dominer tous les Arabes. Et ensuite, il a parlé avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, tu nous as appelés à l'islam et à tout ce bien. D'accord, si jamais on l'accepte de toi, et qu'on te suit, et que par la suite, Allah Azza wa Jal, il te fasse triompher, et ta religion devienne propagée et apparente à ce moment-là, est-ce que tu vas faire en sorte que c'est nous qui prendrons la relève après ta mort? C'est-à-dire, est-ce que l'héritage après toi, ça sera pour nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'affaire appartient à Allah, et c'est lui qui la place là où il veut. Je peux rien vous donner. Vous me suivez, vous suivez l'islam et vous suivez le haqq, mais vous aurez rien en contrepartie. Si Allah il veut que ça se propage parmi vous et que l'affaire soit, que la relève soit à vous après moi, c'est Allah qui va le décider. Mais moi, je peux rien vous donner. Et ensuite, cet homme, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, alors on va pas te suivre. On va rentrer en guerre contre tous les Arabes et on va subir tout ça. Et quand tu domines, ça sera quelqu'un d'autre qui va prendre la relève après toi, alors nous n'avons pas besoin de te suivre. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal يعني afin que ce soit ainsi pour eux. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi sa da'wa, et pendant qu'il faisait la da'wa aux tribus arabes, son oncle Abu Lahab était toujours derrière lui, et il leur disait, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Et il a été rapporté qu'il le frappait avec des pierres, qui le jetait avec des pierres. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il proposait sa da'wa aux tribus, il leur disait, comme ceci a été rapporté dans les sunan de Abu Dawood et de At-Tirmidhi et de Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il leur disait, qui m'assure ma protection et me protège jusqu'à ce que je transmette la religion d'Allah, jusqu'à ce que je transmette le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart des tribus auxquelles il a proposé sa da'wa, la plupart d'entre eux ont refusé. Ils ont refusé de crainte, yani de tout ce qui peut leur arriver si jamais ils protègent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la part des Arabes, et surtout des siens, les Quraysh. Par contre, les hommes, au niveau des, ça c'est au niveau des tribus, mais au niveau des individus, les hommes intelligents, quand ils écoutaient la da'wa du prophète alayhi salam, ils le suivaient. Comme on a vu, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, Wadimad ibn Sa'laba al-Azdi, radiyallahu anhum, dont beaucoup d'autres. Et il a été rapporté que Abu Lahab, après la mort de l'oncle du prophète Abu Talib, il commençait à protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Il commençait à protéger le prophète alayhi salatu wassalam pendant une période. Jusqu'à un jour où un homme lui a dit, il a dit à Abu Lahab, est-ce que tu protèges cet homme en sachant qu'il prétend que ton père, Abdul Muttalib, est en enfer? Il lui a dit, il dit ça? Il a dit na'am. Et il est rapporté qu'il était voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a demandé, il lui a dit oui. Et regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de compromis. N'a pas fait de compromis pour continuer à profiter de sa protection. Il lui a dit la vérité telle qu'elle est, que ça plaise ou pas. Et da'iya, c'est ainsi qu'il doit être. Il doit dire le haqq, et non pas attendre que ça plaise aux gens. Faut dire le haqq, comme bien même il est amer. Na'am, il faut avoir la sagesse, et parler avec la parole qu'il faut, au moment qu'il faut, avec la personne qu'il faut, et avec la manière adéquate également. Mais le haqq doit être dit. Et da'iya également, il profite de ce qu'on a vu, il tire comme leçon de ce qu'on a vu, c'est quand bien même les portes, certaines des portes de da'wa sont fermées, il ne doit jamais arrêter sa da'wa. Il doit continuer à le faire selon les moyens qu'il a à sa disponibilité. Et il doit toujours continuer la da'wa. Et on va voir l'histoire de Usayd radiallahu anhu. Comment étaient les sahaba? Tous étaient des du'at. Chacun selon son niveau de science, bien évidemment. Et on appelle aux choses qu'on connaît avec ilm, avec science, et pas à des choses qu'on pense. L'ilm, c'est pas je pense ou je crois avoir entendu. Ça, c'est pas ilm, ça, c'est jahl. L'ilm, c'est quand tu connais une mas'ala, ne serait-ce qu'une seule mas'ala, avec ses arguments, tu as le droit de la propager. Et la propager, c'est pas forcément prendre un micro dans une mosquée et faire un discours de Jumu'ah. La propager, ça peut être à tes parents, à ta famille, en commençant par les plus proches, à tes amis. Et la chose par laquelle on doit tous commencer, et par laquelle a commencé le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il recommandait à ses compagnons de commencer avec, c'est at-tawhid. C'est d'appeler les gens à la parole la ilaha illallah. Connaître son sens et la mettre en pratique. Et non pas uniquement à la dire sans connaître le sens. Et pour pouvoir faire ça, bien évidemment, il faut faire les causes pour avoir la science de ces points auxquels on souhaite appeler les gens. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire la da'wa aux tribus arabes, et parmi les gens qui ont répondu favorablement le plus à la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, c'était les gens de Médine. C'était eux yani, qui ont répondu favorablement à la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam et qui ont accepté l'islam de lui. Et cette acceptation avait des causes. Bien évidemment, avant tout, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais il y avait des causes qui ont contribué dans leur acceptation de l'haq et de l'islam, et qui leur ont facilité cela. Il faut s'imaginer à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a plus d'un milliard de personnes qui suivent l'islam. Et le Coran est apparent, Sunna est apparente, tous les livres de la Sunna. Ça c'est notre époque, c'est les époques qui sont venues après. Mais si tu reviens à cette époque, faut s'imaginer un homme, il vient, il dit, moi je reçois la révélation de la part d'Allah, suivez-moi. Et délaissez tout ce que vous avez connu de vos ancêtres. Yani la grande partie. Délaissez ces idoles que vos parents et vos arrière-parents ont adorées. Et adorez Allah seul. Ça c'est pas quelque chose de facile. Mais Allah, il facilite à qui il veut. Et il guide, subhanahu wa ta'ala, à qui il veut. Et donc, parmi les causes qui ont favorisé l'acceptation des gens de Médine, leur acceptation de l'islam, c'est que ils avaient beaucoup de conflits avec les juifs qui vivaient à Médine. Et les juifs, c'est des gens du livre. Comme Allah les a décrits dans le Coran, ils connaissent le prophète comme ils connaissent leurs enfants. Ils se trompent pas sur ces signes. Et à chaque fois qu'ils étaient en conflit contre les juifs leur disaient, ça c'est une période et c'est une époque dans laquelle sortira un prophète. Et quand il sera envoyé, nous allons le suivre et nous allons vous combattre avec lui. Et on va vous tuer comme ont été tués les Ad et les Eram. Et les gens de Médine, les Arabes de Médine, bien évidemment aussi, pourquoi des Juifs viennent s'installer à Médine? Pourquoi les Juifs, les trois tribus qui étaient connues de Médine, pourquoi ils sont venus s'installer là-bas? Banu Qurayza, Banu Nadir, la troisième, je l'ai oublié. Pourquoi ils sont venus s'installer là-bas? Parce que ils savaient que le prophète alayhi salatu wassalam allait venir vers le Médina. Ils attendaient sa sortie pour le suivre. Et ils pensaient que ça allait être un des leurs parmi les fils d'Israël. Mais quand c'était un arabe, ils l'ont pris comme ennemi et ils l'ont combattu, ils ont rusé contre lui. Mais malgré tout, tout leur stratagème, Allah Azzawajal a fait triompher la vérité et l'a rendue, yani, apparente. Et les gens de Medina, ils avaient l'habitude de faire le pèlerinage. Ils avaient l'habitude de faire le pèlerinage. Et dans une année, l'année très exactement, l'année 11 de la prophétie, l'année 11 de la prophétie, il y a quelques-uns parmi eux qui ont fait le Hajj, et ils ont entendu qu'il y a un homme qui prétend être prophète. Ils se sont renseignés à son sujet, et ils ont vu certains des signes qu'ils entendaient des juifs de Médine. Et ils ont entendu que c'était un homme véridique, un homme digne de confiance, et ils ont dit entre eux que les juifs ne le suivent pas avant vous et ne devancent pas dans son suivi. Soyez les premiers. Ça, c'était parmi les causes, ce qu'ils entendaient des juifs. Également parmi les causes que les hommes de science ont citées, et ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que les deux tribus connues de Médine, qui sont l'Aous et le Khazraj, avaient beaucoup de guerres entre eux. Jusqu'à cette dernière guerre, avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Harb al-Bu'ath, cette dernière guerre qui les a esquintés et épuisés, et dans laquelle sont décédés les meilleurs d'entre eux et les plus nobles des deux tribus, et surtout de l'Khazraj. Car c'est l'Aous qui ont dominé cette bataille. Et quand ils ont vu les conséquences de cette division et de cette haine perpétuelle qu'ils avaient les uns contre les autres, et que finalement ce sont des... ils ont les mêmes origines. Quand ils ont vu, ils ont entendu parler du prophète alayhi salam et de l'islam, ils ont vu en l'islam et en le suivi du prophète alayhi salam une cause pour mettre fin à toutes leurs batailles et à toutes leurs guerres, comme ils vont le dire explicitement. Et c'était une cause qui les a incités à entrer dans l'islam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité l'histoire d'un homme qui s'appelle Suwayd ibn Samit, qui est de la tribu de l'Aous. Quand il est arrivé à Mecca, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait la da'wa. Et il n'a pas accepté, comme il n'a pas refusé l'islam. Il a bien aimé ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et à quoi il l'a appelé, mais il n'a pas accepté l'islam, clairement, comme il ne l'a pas refusé. Et cet homme, Suwayd ibn Samit, c'était un neveu de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il a été tué dans cette bataille que je vous ai citée, la bataille de Bu'ath. Il a été tué dans cette bataille, et certains parmi l'Ansar disaient qu'il est mort musulman, et qu'il était entré dans l'islam et qu'il est mort musulman. Wallahu alam. Également un autre homme parmi les Médinois, qui s'appelle Abu al-Haysar. Il est venu à Mecca Il est venu à Mecca, et lui, il fait partie des Banu Abd al-Ashhal. Yani, les Médinois. Banu Abd al-Ashhal, les Médinois. Et il est venu à Mecca en cherchant un pacte d'allégeance avec Quraysh contre Al-Khazraj. Contre Al-Khazraj. Donc, yani, les Arabes, ils avaient cette habitude. Ils cherchaient des alliances. Ainsi, si jamais il y a une guerre, ils vont avoir un soutien et une aide. Et il faisait des alliances de cette manière. Donc cet homme est venu pour chercher l'alliance avec Quraysh. Et quand il est venu à Mecca, Nabi alayhi salam lui a fait la da'wah. Et il était en compagnie d'un autre homme qui s'appelle Iyas ibn Mu'ad. Et c'était un jeune. Il lui a dit, à quoi t'appelles cet homme est meilleur que la raison pour laquelle t'es venu. Mais Abu al-Haythar l'a frappé, il lui a dit de se taire, et il s'est tué, et le pacte, yani l'alliance avec Quraysh n'a pas eu lieu, et il n'est pas entré dans l'islam non plus, à ce moment-là. Par contre, celui qui était en sa compagnie, qui s'appelle Iyas ibn Mu'ad, il est rapporté qu'il est mort musulman. Il est mort musulman. Et comme je vous ai dit, l'année 11 de la prophétie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rencontré entre 6 et 8. L'imam Ibn Kathir a dit 6. Il y a des savants qui disent 8. Parmi les Médinois. Et ils étaient tous de l'Khazraj. Ils étaient tous de la tribu de l'Khazraj. Médine, l'Khazraj et l'Aus. Les deux tribus. Et eux, ils étaient tous de la tribu de l'Khazraj. Et de ces 6, il y avait un grand compagnon qui s'appelle As'ad ibn Zurara. Sa kunya, c'est Abu Umama, radiallahu anhu. Et il y avait un autre, l'imam Ibn Kathir a cité les 6, je vais vous les citer. Il a cité Aouf ibn al-Harith ibn Rifa'a. Il a cité Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan, wa Qutba ibn Amir ibn Hadida, wa Aqba ibn Amir ibn Nabi, wa Jabir ibn Abdillah ibn Ri'ab. Les 6, Nabi sallam les a appelés à l'islam, il leur a récité le Coran, et ils sont tous entrés dans l'islam, les 6. Et ils sont retour vers le Médina, ils ont commencé à faire le da'wah. Ils ont commencé à faire la da'wah, à propager l'islam. Et ainsi l'islam s'est propagé dans beaucoup de maisons et dans beaucoup de foyers à Médine. L'islam s'est propagé. De cette manière, avec ces 6 hommes. Et à leur tête, il y avait As'ad ibn Zurara. C'était un jeune, radiallahu anhu. Sa kunya, c'est Abu Umama. Notez-le bien, parce que c'est une personnalité très très très importante dans l'histoire de l'islam. As'ad ibn Zurara. Pourtant, il va décéder, rahimahullah, radiallahu anhu, dans la première année de l'Hijra. Il a vécu que très peu dans l'islam. Mais c'est un homme qui a marqué l'histoire de l'islam. C'est un homme qui a marqué l'histoire de l'islam, radiallahu anhu wa ardah. Et si 6 hommes ou 8 selon les versions ont donné rendez-vous au prophète alayhi salatu wassalam l'année prochaine dans la saison du pèlerinage. Et effectivement l'année prochaine, l'année suivante, qui était l'année 12 de l'Hégire, afin de la prophétie, les six hommes sont venus, excepté un seul, qui s'appelle Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab. Il n'est pas venu avec eux, et les cinq autres sont venus pendant la saison du pèlerinage l'année suivante, et ils sont venus avec sept autres hommes parmi les gens de Médine, qui étaient aussi des musulmans, auxquels ils ont fait la da'wah. Et parmi ceux qui sont venus avec eux, Mu'ad ibn al-Harith, wa Dhakwan ibn Abd Qais ibn Khaldah. Et ce sahabi, il est resté à Mecca, après la fin du pèlerinage, il est resté à Mecca jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra vers le Médina. L'émigration vers le Médina, il est parti avec lui. C'est pour ça qu'ils disent de lui que c'est un muhajiri ansari. Il est considéré avec le muhajirin, et il est compté avec le muhajirin, et il est compté avec l'ansar. Et ça, on ne connaît pas deux compagnons qui ont cette description. C'est un ansari, parce qu'il est parmi les gens de la Médina, qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam dans le début de son affaire, et dans le début de sa da'wa. Et également, c'est un muhajiri, parce qu'il a fait l'immigration de Mecca vers le Médina, radiyallahu anhu. Et il y avait également un compagnon très connu, Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, le maître, parmi les maîtres des tribus de Médine. Et il y avait également Yazid ibn Tha'laba. Et ça, ce sont 10 parmi le Khazraj. Et les deux autres étaient parmi l'Aus. Il y avait Abu al-Haytham, Malik ibn Tayyihan, wa Uwaym ibn Sa'ida. Donc les 12, il y avait 10 parmi le Khazraj, les 6 premiers sont tous de le Khazraj. Les 12 de l'année suivante, 10 parmi le Khazraj et 2 parmi l'Aus. Et dans les 6, il y avait As'ad ibn Zurara, et dans les 12, il y avait As'ad ibn Zurara. Ces 12 ont fait pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Et à cette époque, il n'était pas encore légiféré de faire les combats. C'est pour ça, quand ils ont décrit ce pacte d'allégeance qu'ils ont fait, nous avons fait le pacte d'allégeance des femmes. Et ils visaient le pacte qui a été fait entre le prophète alayhi salatu wassalam et les femmes de Quraysh suite à la conquête de Mecca. Suite à la conquête de Mecca, le deuxième jour de la conquête de Mecca. Et dans ce pacte, il n'y avait pas de jihad, de combat. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le pacte des femmes. C'est un pacte dans lequel il n'y a pas de combat. Et la formule de ce pacte, comme a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, selon Ubad ibn Samit, un de ceux qui ont participé dans ce pacte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous me faites pacte d'allégeance de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas voler, ni de forniquer, ni de tuer vos enfants, et de ne jamais me désobéir dans une chose convenable, dans un ma'ruf. Et celui qui respecte son engagement, sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui désobéit dans quelques points et qui sera puni dans le dunya, ça sera une expiation pour lui. Et celui qui désobéit et que Allah couvre dans le dunya, alors il est entre les mains d'Allah. Si Allah décide de lui pardonner, sinon il le châtiera. Et ça, c'est comme le pacte qui a été fait entre les femmes et le prophète alayhi salatu wassalam après la conquête de Mecca. Dans les deux, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat dans le sentier d'Allah. C'est pour ça, ils l'ont appelé, radiallahu anhum, ils l'ont appelé le pacte d'allégeance des femmes. Ces 12, à leur retour vers le Madina, regardez, ils ne sont pas restés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné de l'islam. Ils sont repartis après la saison de l'Hajj vers le Madina pour da'wah. Ils n'ont pas dit on va rester avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Non. Da'wah. Et ça, c'est tous des du'as. Ils sont tous des du'as. Radiallahu anhum. Ils sont repartis à Médine, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Amr ibn Maktoum et Mus'ab ibn Umayr afin d'enseigner aux gens le Coran. Afin d'enseigner aux gens le Coran. Et de les appeler à la religion de l'islam. Et à Médine, ils étaient chez Abu Umama, As'ad ibn Zurara. C'est lui qui les a accueillis à Médine. Il a accueilli ces deux hommes de science pour faire da'wah et pour propager l'islam. Et c'est As'ad ibn Zurara, radiallahu anhu, le premier qui a fait salat al-jumu'ah à Médine. Et c'est lui qui les a dirigés dans la salat et qui les a dirigés dans le discours de l'jumu'ah, c'est Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu. Et ceci a été fait après la consultation du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc As'ad ibn Zurara, c'est le premier qui a fait la prière de l'jumu'ah à Médine. Et ils étaient à peu près une quarantaine. Ils étaient une quarantaine. C'est pour ça dans le madhhab al-Hanbali, ils disent il n'est pas autorisé de faire le jumu'ah avec moins de 40. Et dans le madhhab al-Maliki, ils disent au minimum il faut avoir 12. Et ils se basent sur d'autres choses également. Mais ce qui est juste, c'est que le jumu'ah, il y a besoin du même nombre que le jama'a. Et le fait qu'ils étaient 40 ne veut pas dire que s'ils étaient 39, ils n'auraient pas fait le jumu'ah. Wallahu a'lam. Et ils sont entrés dans l'islam par la cause de Mus'ab ibn Umayr et des efforts de As'ad ibn Zurara, radiallahu anhuma. Beaucoup de gens parmi les gens de Médine. Parmi les gens de Médine. Et parmi les plus connus qui sont entrés dans l'islam, c'est Usayd ibn Hudayr wa Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhuma. Les deux, c'est les deux grands maîtres de la tribu de l'Aus. Et Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu, un maître de l'Aus, il était nommé Al-Kamil, le parfait, le complet. Il le surnommait ainsi parce que c'est un homme qui était très fort dans les combats, donc il maniait les armes, et en plus, c'était un homme très éloquent. Et qui avait beaucoup de connaissances. Comme on peut dire aujourd'hui à notre époque, c'est un intellectuel. Il savait lire et écrire. Dans une société comme la sienne, c'est un homme qui savait lire et écrire. Donc, l'histoire de l'islam de Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu, c'est que Sa'd ibn Mu'ad était en compagnie de certains de sa tribu, il y avait Usayd ibn Hudayr également. Ils étaient réunis un jour et ils ont entendu que As'ad ibn Zurara, qui est le neveu de Sa'd ibn Mu'ad. Ils ont entendu que As'ad ibn Zurara, il a accueilli chez lui Mus'ab ibn Umair, et ils font da'wa, et les femmes et les enfants les suivent. Ils font da'wa à l'islam, et il y a des femmes et des enfants, soi-disant des démunis et des faibles d'esprit, qui les suivent. Et il a demandé à Usayd ibn Hudayr d'aller les arrêter et de faire le nécessaire vis-à-vis d'eux. Et il s'est excusé de ne pas aller lui-même parce que As'ad ibn Zurara est son neveu. Il lui a dit, charge-toi de ça et fais cette mission. Effectivement, Usayd ibn Hudayr, il a pris son arpent, il a pris ses armes et il est parti les voir. Ils l'ont vu de loin. Celui qui l'a vu, c'est As'ad ibn Zurara radiallahu anhu. Il a dit à Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, il lui a dit, celui-là, c'est le maître de sa tribu. Il est venu jusqu'à toi. Alors sois sincère et véridique dans sa da'wa. فَصْدُقِ اللَّهَ فِيهِ. Regardez cette parole immense qui a été dite par As'ad ibn Zurara et ce rappel extrêmement bénéfique pour Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu. Car la guidée, elle est entre les mains d'Allah. C'est Allah qui guide les cœurs. Mais il lui a rappelé la sincérité. Une fois que Usayd est arrivé, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous égarez les faibles esprits parmi nous? C'est-à-dire que lui, ils sont intelligents pour suivre quelqu'un comme As'ad ibn Zurara et Mus'ab ibn Umair. Mais les faibles esprits, ils peuvent les suivre. Il leur a dit, ou bien vous arrêtez, sinon il vous arrivera malheur. Il leur a dit, si vous voulez préserver vos âmes, arrêtez immédiatement. Et c'est là où Mus'ab radiallahu anhu lui a dit, ou bien tu t'assois et t'écoutes ce qu'on a à dire. Si tu l'acceptes, alhamdulillah. Et si tu l'acceptes pas, alors là, on va arrêter. Il a dit, Ansaf. Il n'a pas dit de mal. Il est juste. Ce qu'il dit, c'est juste. Usayd, n'oubliez pas, c'est un homme qui était connu pour son intelligence, pour son savoir. Donc, à quoi l'a appelé Mus'ab? Un homme raisonnable ne peut pas refuser ça. Écoute de moi, si c'est un mal, on arrête, si c'est un bien, accepte-le. Effectivement, il a planté son arpent, et il s'est assis, et c'est là où Mus'ab radiallahu anhu a commencé à lui lire le Coran. Il a commencé à lui lire le Coran, et à lui parler de l'islam. Et subhanallah, comme a dit As'ad ibn Zurara radiallahu anhu, il a dit, nous avons vu l'islam sur son visage avant qu'il ne parle avec l'islam. Son visage a changé. L'acceptation qui a commencé à s'installer dans le cœur s'est manifestée sur le visage. Et ensuite, il a accepté l'islam et il leur a dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans votre religion? Ils lui ont dit, tu te laves et tu purifies tes vêtements et tu dis la ilaha illallah. Et il est entré dans l'islam de cette manière. Et après, regardez Usayd ibn Hudayr. Il vient d'entrer dans l'islam à l'instant. À l'instant, il est entré dans l'islam. Regardez à quoi il réfléchit déjà. Il a dit, j'ai laissé derrière moi un homme qui est le maître de sa tribu. Il parle de Sa'd ibn Mu'adh. Et c'est un homme, si jamais il vous suit, toute sa tribu vous suivra. Sans exception. Car c'est un homme qui était connu dans sa tribu pour avoir des avis justes et forts. Et quand il avait une opinion sur une chose, tout le monde le suit. Et il leur a dit, je vais vous le envoyer ici. Et il est reparti. Usayd ibn Hudayr est reparti, radiallahu anhu. Et dès que Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, l'a aperçu, il a dit à ceux qui étaient avec lui, il a dit, votre compagnon est revenu avec autre visage avec lequel il est parti. Et dès que Usayd s'est assis, il lui a demandé, Sa'd ibn Mu'adh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je les ai vus, et j'ai vu que il n'y avait pas de mal. Ils ne faisaient pas de mal. Donc, j'ai rien fait. Ils n'ont rien fait comme mal pour les punir ou les châtier ou les tuer. Il lui a dit, par contre, j'ai entendu que les Banu Haritha, une autre tribu de Médine, il a dit, j'ai entendu qu'il voulait tuer As'ad ibn Zurara, ton neveu. Il voulait le tuer parce qu'il accueille Mus'ab et ils font da'wah. Et c'est là où Sa'd radiallahu anhu lui a dit, tu n'as rien fait. On t'a chargé d'une mission, mais t'as rien fait. Dans le sens, c'est moi qui dois me rendre maintenant pour régler cette affaire. Parce que si jamais les Banu Haritha ils viennent, ils tuent As'ad ibn Zurara, ça serait une guerre encore. Donc il est parti lui-même. Il a pris son arpent, ses armes, à dos de chameau, il est parti les voir. Et quand il s'est approché d'eux, il les a vus assis tranquillement. C'est parce que il a entendu de Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu. Il a vu qu'ils étaient assis tranquillement, sereinement, et qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est là, dès qu'il a vu ça, comme il l'a rapporté, dès qu'il a vu ça, il a compris que Usayd ibn Hudayr voulait de lui qu'il écoute ce qu'ils ont à dire. Il a compris qu'il l'a envoyé ici pour qu'il les écoute. Et il est venu avec un sourire à son neveu As'ad ibn Zurara. Et de la même manière, il a dit à peu près comme Usayd ibn Hudayr en dit, comme Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu a dit, il leur a dit, arrêtez de faire ce que vous faites. Mus'ab radiallahu anhu, As'ad ibn Zurara a fait le rappel encore une fois à Mus'ab d'être sincère dans sa da'wah. Et Mus'ab lui a dit, écoute ce qu'on a à dire, tu l'acceptes, sinon on arrête. Et il lui a lu le Coran, il l'a appelé à l'islam. Et de la même manière, ils ont vu l'islam sur son visage et la foi sur son visage avant qu'il ne parle avec l'islam, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne musulman. Et dès que Sa'd ibn Mu'adh est entré dans l'islam, radiallahu anhu, il est parti chez les siens, les Banu Abd al-Ashal, et il leur a dit, femme comme homme, personne ne m'adresse la parole s'il ne devient pas musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à croire en Allah et en son prophète. Et c'est avant l'arrivée du soir, tous étaient musulmans. Hommes, femmes, enfants, âgés, tous étaient musulmans. Subhanallah. Excepté un homme qui s'appelle Al-Usayrim. Al-Usayrim, c'est Amr ibn Thabit ibn Waqashin. Son islam, il a tardé à entrer dans l'islam, et il est entré dans l'islam le jour de la bataille de Uhud. Le jour de la bataille de Uhud, il est entré dans l'islam il a participé dans la bataille de Uhud avec les croyants, il a été tué dans cette bataille. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé de lui, c'est rapporté dans les deux authentiques, il a informé de cet homme qui s'appelle Al-Usayrin, il a dit, il a œuvré peu, et il a été récompensé beaucoup. Rapporté dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, et rapporté par Ibn Ishaq dans Sira, avec une bonne chaîne de transmission. Donc il a œuvré peu, il est entré dans l'islam, directement il a participé dans une bataille, dans laquelle il est tombé martyr, radiyallahu anhu. Il est décédé sans avoir fait une seule prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il a œuvré peu, il a été récompensé beaucoup. Radiyallahu anhum. Donc ça c'est par rapport à ce premier pacte d'allégeance qui a été fait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses médinois, ses 12 médinois, et comment ils sont retournés chez eux, comment ils sont rentrés chez eux, et qu'ils ont propagé l'islam au point où ça s'est répandu dans le Médina de la manière qu'on vient de voir. Et prenez note, mes frères, d'un point très important, c'est que Mus'ab ibn Umair et As'ad ibn Zurara, ils étaient associés dans la da'wah. Ils s'entraidaient dans la da'wah. Et ça, c'est au début de l'islam. Il n'a pas été rapporté qu'ils ont divergé dans un seul point. Il n'a pas été rapporté qu'ils ont divergé dans un seul point. Et ça, c'est dans le début de la da'wah. Que dire quand beaucoup de textes ont été révélés par la suite qui incitent les croyants à s'entraider dans le bien et qui les incitent à la piété et à l'entraide, à l'union autour de la vérité et à renforcer les liens d'amour entre eux. Et ça, c'est parce que c'est des hommes sincères. Personne ne veut les devants. Personne ne veut que ce soit lui qui est suivi. Et tout le monde le suit. Ils veulent haq, la vérité, propager la vérité. Ils veulent ce qu'il y a auprès d'Allah. C'est pour ça, il n'y a jamais eu de divergence entre eux sur un seul point de la da'wah. Et essayez à notre époque de mettre deux frères dans une ville pour faire la da'wah. Peu de temps après, tu vas trouver qu'ils se sont divisés, que chacun a fait son propre groupe. Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Parce que la plupart d'entre nous ne font pas la da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. J'appelle à Allah et pas à ma personne. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et dans les actes, et que nous visons par tout ce que nous disons et nous faisons que ça fasse subhanahu wa ta'ala, et que son agrément et que sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, et de nous aider à réformer notre cœur et à réformer notre apparence, et qu'on soit dans la conformité à la sunna de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam dans tous les paroles, toutes les paroles et tous les actes. Et nous allons voir quelques points dans le cours prochain bi'idhnillah par rapport à As'ad ibn Zurara et par rapport à Mus'ab ibn Umair, parce que l'heure et yani, le temps passe vite, et yani, comme je vous ai dit, les événements dans la période mécoise, c'est des événements très très riches en leçons. Et si on devait s'arrêter sur chaque point, il aurait fallu un cours au minimum pour chaque point. Pour parler de Mus'ab ibn Umair, il faut un cours. pour parler de As'ad ibn Zurara, il faut un cours au minimum. Mais notre objectif est de voir les grandes lignes de la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a visé l'imam Ibn Kathir à travers ce livre. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته